Chapitre 6. C'était un grand point pour Raphaël et Frédéric d'avoir un président en situation d'obtenir du préfet de police l'autorisation d'ouvrir leur cercle. Mais ce n'était pas tout. Il fallait que la demande qu'on adresserait au préfet fût signée par 20 membres fondateurs, et il était de leur intérêt de ne pas laisser le choix de ses membres à Adeline, qui ne saurait où les chercher et qui, les trouva-t-il, les choisirait mal. À la vérité, il devait avoir la haute direction dans la composition du cercle, mais en manœuvrant adroitement, on lui ferait prendre, sans qu'il se doutât de rien, ceux-là même qu'on voudrait qu'il prît. Raphaël voulait des noms chics, Frédéric voulait des noms sérieux. Mais malgré cette divergence, ils ne se querellaient point là-dessus. En bon associé qu'ils étaient, ils se faisaient des concessions. Mêlons les noms chics aux noms sérieux. Et constamment, ils faisaient cette salade, mais en l'épluchant sévèrement. On n'était jamais assez chic pour Frédéric, et pour Raphaël, on n'était jamais assez sérieux. Au moins en théorie, car dans la pratique, c'est-à-dire au moment où s'agitait la question de savoir s'ils pourraient avoir réellement ces noms sur leur liste, ils étaient bien obligés d'abaisser leurs prétentions et de se faire mutuellement des concessions. Il est vrai qu'il n'est pas très chic, mais à la rigueur, il peut passer. Je t'accorde qu'il n'est pas trop sérieux, mais si nous sommes trop difficiles, nous finirons par n'avoir personne. Chez Raphaël, cette composition de sa liste était une véritable obsession. Elle en rêvait, et plus d'une fois le matin, elle avait réveillé Frédéric pour l'entretenir des idées qui lui étaient venues pendant la nuit. « Tu ne dors pas, chérie ?»« Si, je dors. »« Non, tu ne dors pas. Écoute un peu, écoute donc. »« Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ?»« Nous n'avons pas de duc. » « Pourquoi faire un duc ?»« Pour notre liste, il nous en faut au moins 2. Le jockey en a 36. »« Les ganaches n'en ont pas ?»« La crèmerie en a bien un ?»« Eh bien, cherche-les, mais laisse-moi dormir. En même temps, tâche de trouver un lord. Ça serait plus sérieux. On en a bien abusé des ducs. D'ailleurs, si tu y tiens tant, je t'en fournirai un. Seulement, il est espagnol. Le duc d'Arcala, un ami de mon père. » Si Raphaël avait pu chercher dans son ancien monde, elle se serait composée un petit gotha. Malheureusement, ses relations avec ceux dont elle s'était séparée, ou qui plutôt s'étaient séparés d'elle, ne lui permettaient point de s'adresser à eux. Elle eût été bien accueillie, vraiment. Et cependant, il y en avait qui, pour elle, avaient fait les folies les plus extravagantes, qui s'étaient ruinées, déshonorées, avaient été jusqu'au crime. Mais ces temps étaient loin, et le souvenir qu'ils en avaient conservé n'était ni doux ni attendri. En ne se montrant pas trop difficiles dans leur choix, ils avaient fini par former une liste dont les noms de tête ne manquaient pas d'une certaine apparence décorative. Le comte de Chélus d'abord, ancien conseiller d'État en service extraordinaire, ancien préfet, député, commandeur de la Légion d'honneur, grand croix de 5 ou 6 ordres étrangers. Un général qu'à Nice et à Cannes on avait surnommé le général Épaminondas, ce qui, dans le monde des Grecs, était caractéristique. Un commodore américain, un musicien et un statuaire affamé de notoriété, toujours en quête de relations, comme si chaque relation nouvelle allait donner des commandes à l'un et faire jouer les 5 ou 6 opéras que l'autre gardait en portefeuille depuis 20 ans. Un journaliste qui exerçait autant d'influence dans la presse que dans le gouvernement, disait-il, et par là devenait un personnage utile avec qui il était prudent de prendre les devants. Ce n'était pas seulement parmi les gens en vue, sur lesquels ils avaient des raisons personnelles de compter, qu'ils recrutaient leurs troupes. C'était encore parmi les connaissances de leurs amis. Ainsi, Barthelas, autrefois directeur de cercle à Biarritz, à Pau et en Provence, où il avait gagné une fortune de 2 à 3 millions et chez qui Frédéric avait été croupier, avait offert un ancien ambassadeur qu'on pourrait exhiber tous les soirs dans les salons du cercle, moyennant le suif, c'est-à-dire le dîner de la table de l'hôte, et un jeton d'un louis qu'il perdrait d'ailleurs consciencieusement. À la vérité, Barthelas avait, pendant plusieurs années, promené cet ancien ambassadeur dans le Midi, mais ses représentations en province ne l'avaient pas encore tout à fait usé, et à Paris, où son nom seul était connu, il ferait encore assez bonne figure. Quand Raphaël aurait son duc, on laisserait à Adeline le soin de trouver les autres comparses nécessaires à la représentation, parmi les gros commerçants parisiens avec lesquels il faisait des affaires, et aussi parmi ses collègues. plusieurs de ceux qui avaient honoré de leur présence les dîners de l'avenue d'Antin seraient suffisants pour cet emploi, et particulièrement l'un d'entre eux qu'il caressait pour être président au moment même où la faillite des frères Bouteiller leur avait livré Adeline. Ce Nivernais, plus provincial encore que l'Elbeuvien, était à coup sûr le plus travailleur des députés, et il n'y avait guère de projet de loi d'intérêt local qui ne fût rapporté par lui. L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de M. Bunou-Bunou. Il était si souvent imprimé dans les journaux, ce nom de Bunou-Bunou, qu'il était connu de la France entière et que par là, aux yeux de Raphaël, il avait une certaine valeur, celle de la notoriété. Il est vrai que cette notoriété, il la devait pour beaucoup au rapport fameux dans lequel il avait traité de la vaine pâture et de la divagation des animaux domestiques dans les rues de Paris, qui pendant 6 mois avait fait la joie des journaux. Mais cela importait peu, car en fait de notoriété, ce qui compte, c'est la notoriété même. Et là, dit-on au ridicule, ce qui reste au bout d'un an, ce n'est pas le ridicule, c'est le bruit qu'il a fait autour d'un nom que le public n'oublie plus. Bunou-Bunou, connu, très connu, oubliez la vaine pâture. D'ailleurs, le meilleur et le plus honnête homme du monde, toujours à son banc où il écrivait, écrivait, écrivait, penchant sa tête blanche sur son pupitre, ne s'interrompant que pour voter. Au cercle, il continuerait ses écritures, mieux éclairé et chauffé que dans sa chambre d'hôtel, où, comme il le disait lui-même, le bois coûtait diantrement plus cher qu'à Château-Chinon. Ainsi préparé, il n'y avait qu'à presser Adeline. Ce fut ce que Raphaël demanda, exigea même, tandis que Frédéric se montrait disposé à laisser à la réflexion le temps d'agir. « C'est un irrésolu, ton Normand. Décidé aujourd'hui, il ne le sera plus demain. Il pèse le pour et le contre comme un pharmacien pèse ses drogues. Avoue que la pilule est dure à avaler. Qu'est-ce que ça nous fait? Ce n'est pas nous qui l'avalons. D'ailleurs, il n'y a qu'à la lui dorer, et c'est ton affaire. Je suis à bout. Alors, c'est bien vrai? Tu ne vois plus rien à dire et tu ne vois plus rien à faire? » Il haussa les épaules. « Ne te fâche pas contre ta petite femme si elle te montre ce qu'il y a encore à dire et à faire. Écoute-la, et souviens-toi plus tard, quand nous serons mariés, que tu as eu intérêt à la consulter alors que tu restais à bout dans une affaire d'où dépendait notre fortune et qu'elle est bonne à quelque chose. Je t'écoute. Ce qu'il faut, n'est-ce pas, c'est pousser notre homme. » « Sans doute, » répondit-il avec une certaine impatience. Il s'agaçait de l'avoir tant insisté pour lui démontrer qu'elle était bonne à quelque chose quand lui n'était bon à rien. Trop souvent, elle avait insisté sur la supériorité de sa finesse et l'ingéniosité de ses ressources, croyant ainsi se faire valoir, tandis qu'en réalité, elle se faisait plutôt prendre en grippe. Elle n'avait jamais eu la main douce avec ses amants. Elle ne savait pas que les hommes se laissent d'autant plus facilement conduire qu'ils ne sentent pas les ficelles qui les tiennent. « C'est à l'intérêt d'Adeline que nous nous sommes adressés, » dit-elle, « à son orgueil, à sa gloriole, et tout ce que tu lui as dit, il le roule dans son esprit, parce que c'est à son esprit seul que tu as parlé. » Il la regarda sans comprendre où elle voulait arriver. « Eh bien maintenant, c'est par les yeux qu'il faut le prendre, c'est à ses yeux qu'il faut parler. »« Les yeux? Quoi donc, les yeux? Tu le conduiras à venue de l'opéra, et tu lui feras visiter le local en détail, ce n'est pas difficile, ça. » « J'y suis, il sera ébloui. Je te crois, te mets-tu à la place de ce bon bourgeois se promenant dans ses salons qui vont lui jeter toute leur poudre d'or aux yeux et qui va se mirer en se rengorgeant dans ses marbres imposants? Crois-tu qu'il ne va pas se sentir fier en se disant qu'il sera le maître dans ce palais? Es-tu canaille? En sortant, tu le conduiras chez Lobel et tu lui feras montrer le mobilier, surtout les tapis et les tentures. Il doit être sensible aux couleurs, ce fabricant de draps. Les ouvrages en laine, c'est son affaire. Je ne dis pas que ça le fichera les quatre fers en l'air, comme les salons, mais ça lui inspirera confiance. Sérieuse l'impression du mobilier. Tu le conduiras aussi chez le tailleur pour qu'il voie la livrée. Si en revenant tu ne me dis pas que l'affaire est enlevée, j'avoue comme toi que je suis à bout. » Frédéric n'apporta qu'un changement à l'exécution de ce programme. Il en intervertit l'ordre. Au lieu de finir par le tailleur, il commença par là. Il y aurait progression. Au premier mot, Adeline se défendit. « Il sera temps si je me décide, mais je vous avoue que je balance. Je vous assure que je ne suis pas du tout celui qu'il vous faut. Un bon bourgeois comme moi serait déplacé dans ce rôle de président. Je n'en ai aucune des qualités, et j'y serai l'homme le plus emprunté du monde. Je compromettrai le succès de l'entreprise, on se moquerait de moi, Et ce qui est plus grave de vous ?» Frédéric protesta poliment, mais sans se lancer pourtant dans une réfutation en règle. « Nous reviendrons plus tard à la question de savoir si vous acceptez ou si vous n'acceptez point, dit-il. Pour le moment, ce que je vous demande simplement, c'est vos conseils dans le choix de notre livrée. Nous ne fondons pas une œuvre d'un jour, et nous ne prenons pas cette livrée pour qu'elle dure un mois ou deux. Pour moi, gérant de l'affaire, il faut qu'elle soit solide. C'est au fabricant de draps que je demande de m'assister. » Évidemment, Adeline ne pouvait pas refuser ses conseils à son ami. Il se laissa donc conduire chez le tailleur, où il choisit un drap solide, un bon drap français, comme le demandait Frédéric, qui devait durer longtemps. Puis il se laissa aussi mener chez le tapissier Lobel. Dans tout ce qui était travail de la laine, il avait des connaissances spéciales qu'il ne pouvait pas ne pas mettre à la disposition de son ami. Là, il n'eut qu'à admirer les tapis de Smyrne, de Perse et de l'Inde qu'on lui montra, et qui étaient vraiment superbes, les portières magnifiques. Il passa plus de 2 heures à se griser de l'enchantement de leurs couleurs. Mais, où il se ficha les 4 fers en l'air, comme disait Raphaël, ce fut en visitant les salons de l'avenue de l'Opéra. « Comment trouvez-vous ça ?» demandait Frédéric dans chaque place. Et partout, il faisait la même réponse. « C'est beau, c'est grandiose, c'est vraiment digne de Paris. Pour 80 000 francs, il faut bien nous donner quelque chose. » Comme il redescendait l'escalier tout en marbre de couleur, où l'harpe sonnait comme sous la voûte d'une église, Adeline eut un mot qui trahit le travail de son esprit et la progression des sentiments par lesquels il avait passé. Il s'était arrêté devant une niche ouverte sur le palier et faisant face à la porte d'entrée. « Nous mettrons là un buste de la République, » dit-il, comme s'il se parlait à lui-même. « Nous ? Oui, vous si vous voulez, mon cher président, car vous serez maître chez vous. Mais si c'est moi qui suis maître ici, je ne mettrai point ce buste, car en dehors de certaines raisons personnelles qui me retiendraient, j'estime qu'un cercle est un terrain neutre où tout le monde doit pouvoir se rencontrer. » Adeline hésita un moment. « Alors nous le mettrons ensemble, » dit-il.